You're listening to Fresh Air. Ah non, je vais le faire en français. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Because you are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis Saint Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Freddy, bonsoir Adrien. Et bonsoir Romain. Ça va? Yeah, everybody's here. Yeah, full house. Full house. Yeah, it's getting chilly, but, well, kind of overdue for that. Yeah, true. So that was to be expected. But yeah, it's warm in the studio and it's warm and cozy. The warmth of you our too. Friendship. Yeah. And the theme tonight is about wine. Yeah, so it's about Beaujolais, so that's going to warm us up even more. That helps. Yeah, we don't have any in studio. We're not supposed to. Well, at first we can't because it's on Thursday. Yeah, exactly. It's not there yet. Yeah, no. But we were hoping to have like maybe some guests to talk about some of the events coming up or some of the wine, but that's going to be us. Well, so, that's good. Yeah. So you're going to know all about the Beaujolais. The playlist is mostly Beaujolais, but there's also like some wine. Okay. And Charles Dumont left us. And for those who don't know Charles Dumont, you won't be beat up because not many people know him. Well, he was a singer. Right? I mean, he had his own career as a singer, but he's especially known for being Edith Piaf's composer. Mm-hmm. Je ne regrette rien, etc. He wrote those songs. Yeah, Mon Dieu. Mm-hmm. But even as a singer, he had this, warm voice, and he was also, he was not as, popular as Edith Piaf, of course, but also he just passed away yesterday at the age of 95. 95, wow. So Non, Je ne regrette rien was a very big success. Mm-hmm. I've heard that he was also involved with Dalida and other artists. I was unable to find a lot of the other songs. The media was clogging the fact that, he had composed Non, Je ne regrette rien from Edith Piaf. So, and that the day that he offered that song, that he went to see her, she met him because he was with someone else, also Michel Vauquer. Oh, yeah. And so he composed a lot for Cara Vauquer, which was pretty famous at the time. But Edith Piaf was grumpy and unhappy. Yeah, she didn't want to. She went to meet him, very reluctantly. Yeah. Well, she did anyway, and she just fell in love with that song. Yeah. Yeah, and right away she saw that was going to be her. Yeah. I mean, she has many songs that are world famous. La Vie en Rose. Yes, but Je ne regrette rien is probably one of the top five. For sure. So, Mon Dieu is pretty good too. L'Hymne à l'amour. Yeah, Mon Dieu was about Marcel Cerdan when he died. Oh, really? Really relatable for people who lost people. Mm-hmm. Big boxer, French boxer, Marcel Cerdan. She wanted to spend more time with him. And what I've learned also about Non, Je ne regrette rien, and it's more like a little bit historical and not necessarily in a good way, is that during the Algerian War, some of the generals and some of the French foreign legions sang it after the putsch, after they tried to, overthrow De Gaulle, Charles de Gaulle. Yeah, overthrow and kept the Algeria French, and so the French Foreign Legion is still singing it, like, I don't regret anything, and I don't think that's really cool, because definitely fascist and colonialist and stuff like that, but you don't always control what your song is going to become, I guess. Mm-hmm. So we're going to listen to Edith Piaf with Non, Je ne regrette rien, that was written by Charles Dumont. Another one that Charles Dumont sang by himself with Edith Piaf, but it was more like Charles Dumont singing, it's Les Amants, or The Lovers, so with Edith Piaf. And we're going to listen to a song from Bon Entendeur, and it's called Maria, and featuring Charles Dumont. And turns out that this song, Maria, is from the theme of the movie Traffic, because he did quite a few soundtracks as well. And the soundtrack itself that I listened to was only like instrumental, and there was a lot of la la la and things like that, but no lyrics. And this one has lyrics, so that's it's pretty cool. I like what Bon Entendeur is doing in general. So. Yeah, oh yeah, me too. I love Bon Entendeur. All right, on y va. Eh ben, c'est parti. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie. Qu'ils pleureront.

voix, tes yeux, tes mains. Tes lèvres, le regard, nos paroles. Et le fait que je t'aime. Et voilà, we are back and you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI. And we just listened to three songs by Charles Dumont. Yeah. So the first one was from was sung by Edith Piaf with Non, je ne regrette rien. The second song was also with Edith Piaf, Les Amants, featuring Charles Dumont. And the last one, Bon Entendeur, is Maria. And it's from their album Aller-Retour, but it's kind of like they changed some of the things. The original was from Charles Dumont, from the soundtrack of the movie Traffic. And we're going to keep, now we're going to switch gear and we're going to start. Beaujolais. Beaujolais. Should we talk a little bit about Beaujolais before we start? Please. Voilà. Because we get only to do this once a year. But each year though. So just for our listeners, for a little bit of context and history about the Beaujolais region, which is located in the central east part of France, and that is south of the Burgundy wine region. So south of Lyon. Voilà. And the Beaujolais is a very unique grape. And well, there's Gamay. Voilà. Which is also what we use a lot in, like, in the Orléans and in some of the Loire region, red wines. Red wines. Yeah, it's a very light red. Light, elegant grape varietal. It's a varietal, so they don't mix it. And you have different appellations in the region of Beaujolais, but every year they produce the Beaujolais Nouveau, which is the wine to celebrate the end of the harvest. And so this is a wine that has a very quick fermentation, very press, and then just ferment for a few weeks, and then they bottle it right away. So you'll get often like banana flavors and berries. It's usually pretty light and a good wine for like beginner level wine. Like, it's not like extravagant, it's not pretentious, it's just a kind of a nice little wine, and it's perfect for Thanksgiving dinners as well. Yeah. So Beaujolais comes out officially, and this is French law, every third Thursday of November, and it cannot be commercialized before then. So it gets shipped, but the distributors don't really, like, the restaurants, and don't open it until the third Thursday of November. Yeah. That's to celebrate, just 1 week before Thanksgiving. Yeah, which we don't celebrate in France. Beaujolais Nouveau? No, Thanksgiving. Thanksgiving. Ah. I mean, in France, we celebrate anything, anytime. So as long as it could be, you Thanksgiving know, a holiday Europe. When you don't have to go to work. Yes. Yes. Yeah. No. Very much. No celebration. Yeah, that makes sense. No so, celebration. Yeah. So that's a one of the moments. Right. And that's, like usual, a time to spend a good time with friends. Mm-hmm. Yeah. More than anything else. Voilà. So the first song we're going to listen to is from Bordas and l'Orchestre Jean Faustin. With Boire un petit coup, drink a little drink. Daniel Gobillon with Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais. It's in case you don't catch the first Beaujolais or the second Beaujolais. That's why you have three Beaujolais voilà. in a row. Quand nous buvons trop de Beaujolais, nous des Gobillons. Yeah, but his name is Gobillon. Yeah, that's true. Yeah, that's true. And then la chanson du dimanche with Le Beaujo en Vélib. Of Vélib. The Vélib. Maybe you should explain the, being from Paris. Vélibs are the bikes. Well, yeah, the bikes. In, what do you call them? Self-serve. Self-serve in Paris. Bikes in Paris, the Vélib. And it's a parody. I mean, they're always doing funny stuff. So. Chanson du dimanche. And Paris was one of the first places where Beaujolais Nouveau was exported. Exported outside of the boundary of the region of Beaujolais. Adrien is using air quotes. Air quotes. Yeah, well, he said exported. Yes. Yeah. Well, yeah. I mean, you know. Yeah. That's why it became popular. That's Paris. Mm-hmm. Yeah. Les titis parisiens et les petits bouchons. Titi idéal. Et les petits bistrots ensuite. Yeah. A lot of small cafes and things like that. Yeah. In Leal, it's like crazy. I mean, each bistro is open and each one is outside, and typically it's like nicer. I mean, it's in the 50s, you know, so you can still be outside with like a hoodie. Yeah. There was a block right off of my street in Paris that was completely blocked off for Beaujolais Nouveau, and there would be, like, you know, 5,000 people. That's the way to do it. Well, in Leal, because a lot of it is pedestrian, there was not as much need for it, but it was pretty cool. Cool. All right. On y va. C'est parti. C'est agréable, boire un petit coup, c'est doux, mais il ne faut pas rouler dessous la table. Boire un petit coup, c'est agréable, boire un petit coup, c'est doux. Un petit coup, la la la la, un petit coup, la la la la, un petit coup, c'est doux. Allons dans les bois, ma mignonnette, allons dans les bois du roi, nous y cueillerons la fraîche violette. Allons dans les bois, ma mignonnette, allons dans les bois du roi. Boire un petit coup, c'est agréable, boire un petit coup, c'est doux, mais il ne faut pas rouler dessous la table. Boire un petit coup, c'est agréable, boire un petit coup, c'est doux. Un petit coup, la la la la, un petit coup, la la la la, un petit coup, c'est doux. J'aime le jambon et la saucisse, et j'aime le vin quand il est bon, mais j'aime encore mieux le lait de ma nourrice. J'aime le jambon et la saucisse, mais j'aime le vin quand il est bon. Boire un petit coup, c'est agréable, boire un petit coup, c'est doux, mais il ne faut pas rouler dessous la table. Boire un petit coup, c'est agréable, boire un petit coup, c'est doux. Un petit coup, la la la la, un petit coup, la la la la, un petit coup, c'est doux. Non, Lucien, tu n'auras pas ma rose, non, Lucien, tu n'auras rien. Monsieur le curé a défendu la chose. Non, Lucien, tu n'auras pas ma rose. Non, Lucien, tu n'auras rien. Boire un petit coup, c'est agréable, boire un petit coup, c'est doux, mais il ne faut pas rouler dessous la table. Boire un petit coup, c'est agréable, boire un petit coup, c'est doux. Un petit coup, la la la la, un petit coup, la la la la, un petit coup, c'est doux. Un ange, mais ma mère s'inquiétait, voyant mon teint étrange, plus laite que son lait. Comme elle était maligne, elle mit dans mon biberon le bon jus de la vigne, refrain de cette chanson. Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais. Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais. Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais. À l'école, trop timide, je cumulais les zéros. Ma tête faisait le vide, arrivé au tableau. Mais à l'oral du bac, on me colla 20 sur 20. Depuis, contre le trac, j'ai toujours sous la main. Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais. Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais. Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais. Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais. Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais. Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais. Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais. Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais. Au cours d'un long voyage en Nouvelle-Guinée, quelques anthropophages m'invitèrent à dîner. Tout nu dans la marmite, nageant dans les oignons, j'ai crié pas si vite, sans lui je ne serais pas bon. Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais. Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais. Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais. Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais. Beaujolais, Beaujolais. En chantant, vous vous dites, mais quel âge ont-ils donc? 20, 40 ou 108, pour ainsi faire les fous. Chez nous, c'est naturel, au diable le PO. On sera tous éternels, en vie dans les tonneaux. Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais. Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais. Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais. Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais. Salut, c'est la chanson du dimanche, la pêche. 3, 4. On s'était donné rendez-vous comme chaque année, place des gros nez. On avait dit modération comme chaque année, on s'est retrouvé place des pochetrons à dégueuler, à dégueuler. On est retourné boire un petit coup pour digérer. Serre-moi un verre de Beaujolais, serre-moi un verre, c'est ma tournée. Serre-moi un verre, un petit dernier de Beaujolais. Ah, ah, qu'il est bon, qu'il est bon, qu'il est bon. Ah, qu'il est frais, qu'il est frais, qu'il est frais. Le Beaujojo, Beaujojo, Beaujojo, le Beaujolais. Ah, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Ah, qu'il est laid, qu'il est laid, qu'il est laid. Le Beaujojo, Beaujojo, Beaujojo, le Beaujolais. On est allé faire un coucou comme chaque année au vieux René. Il avait préparé son coup comme chaque année, il lui restait 2-3 tonneaux à écouler, à écouler. Comme on est des gens bien élevés, on a dit ouais, ouais, ouais. Serre-moi un verre de Beaujolais, serre-moi un verre, c'est ma tournée. Serre-moi un verre, un petit dernier de Beaujolais. Ah, qu'il est bon, qu'il est bon, qu'il est bon. Ah, qu'il est frais, qu'il est frais, il est frais. Le Beaujojo, Beaujojo, Beaujojo. Beaujolais, ah, qu'il est beau, qu'il est beau, tu es bon. Moi qui l'aime, tu es, tu es. Le Beaujojo, Beaujojo, Beaujojo. Le Beaujolais. Eh, dis donc. Eh, dis donc, tu sais qu'il paraît qu'un verre de vin tous les matins, c'est bon pour la santé. Ah bon? Eh ben, tu m'étonnes que je pète la forme. Bah, tu m'étonnes, de docteur. Eh, pas mal, c'est pas mal. Eh, bah, dis donc, t'as fait quel âge, René? Ça dépend, tu parles en bouteille ou en ballon. Oh, oh, eh, pas mal. Eh, dis donc, si Zizou, il est ballon d'or, René, il est ballon de rouge. Eh, pas mal. Eh, pas mal. Eh, tu sais que bah, les gars, bah, il est tôt là. C'est pas autour du vin d'habitude, le Beaujolais. Eh, pas mal, c'est pas mal. Eh, dis donc, tu sais qu'il paraît que l'épidémie de gastro elle commence en même temps que le Beaujolais nouveau. Bah, c'est pas mal. Eh, pas mal, c'est pas mal. Qui ne picole pas n'est pas français. Eh, qui ne picole pas n'est pas français. Ouais, si t'es fier de ta coupe rose dans tes mains. Hey, si t'es fier de ta coupe rose dans tes mains. Si t'es fier de ta coupe rose, si t'es fier de ta coupe rose, si t'es fier de ta coupe rose pas dans tes mains. Hey, hey, serre-moi un verre de Beaujolais. Serre-moi un verre, c'est ma tournée. Serre-moi un verre, un petit dernier. De Beaujolais, René, concours de nez rouge. Serre-moi un verre de Beaujolais. Serre-moi un verre, c'est ma tournée. Serre-moi un verre, un petit dernier. De Beaujolais. Dimanche prochain. Hey, Guillaume, ouais, qui est le Beaujojo, Beaujojo, Beaujojo, le Beaujolais. Why underwrite with KFAI? Underwriting announcements provide 20 to 30 seconds for you to increase awareness of your business and reach KFAI's loyal and dedicated listenership. If you're interested in underwriting with KFAI, go to kfai.org/underwriting. Et voilà, voilà. Back on KFAI, you're listening to Bonjour Minnesota. Exactly. And tonight is a special Beaujolais. Wine in general. So we listen to Bordas et l'orchestre Jean Faustin with Boire un petit coup. Then Daniel Goubillon with Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais. And la chanson du dimanche with Le Beaujolais en Vélib. I hope it's on Sunday. En Vélib, for sure. They went downhill real quick. Yes. I will tell you why. Yeah, the song was... I don't know that they were really sober when they recorded wrote it. A song. Or wrote it. Yeah. So that was fun. We're going to keep on listening to songs about Beaujolais. And at 9 o'clock, we'll talk about the events coming up. Otherwise, yeah. I mean, we were talking a little bit earlier about the fact that the Alliance Française and the French-American Chamber of Commerce offered a discount to go see the Timberwolves on this Sunday. Because it was Heritage Day, and it was really fun. Mm-hmm. It was a super game. I mean, like they were behind like 10 points for most of the game, and at the last minute, like really, it at was. At the last minute, he scored a 10 yes. point. At the last second, 10 point. He scored 3 points, and but he on was saying dot. He was showing zero on the basket, when he came in, so that was... So there was Rudy, you're talking with Rudy Gobert? Yeah, the game was with Rudy Gobert, mm-hmm. the mm-hmm. French player of the Timberwolves, so 7-5. Yeah, well, it's okay. Yeah, that's fine. He'll keep growing. Yeah, you just have to use a step stool in order to to kiss him on the cheeks, but that's all right. He's impressive. Yeah, and it is. He's a really good player. That's what I've heard. Yeah. I mean, mm-hmm. I could see some of his contribution too. There were some other good players too. So it's kind of nice. We're going to keep on listening about the Beaujolais. So the next coming song is from Jean Constantin, and it's called Le Beaujolais. Then we're going to listen to La Rue Quétanou, and it's a play on word because the way they spell it is like K-A-T-A-N-O-U, but it's kind of like compressed to say the street is ours. It's our streets. And the name of the song is Le Beaujolais as well. And the third one is a band that has a very original name for singing Beaujolais. It's called Les Tire-Bouchons, or the wine opener. Yeah. And it's the discothèque version, or disco version. All right. All right. Eh ben c'est parti. On y va. Le Beaujolais, je l'ai, je l'ai. Le Beaujolais, je l'ai, je l'ai. Le Beaujolais, je l'ai, je l'ai dans ma cave. Le lait, j'ai beau, j'ai beau, j'ai beau. Le lait, j'ai beau, j'ai beau, j'ai beau. Le lait, j'ai beau, forcé à en boire. Je préfère nettement le pinard. D'abord le lait, c'est blanc, c'est lait. Ça se garde qu'au frais, ça fait, que ça fait des frais. Tandis que le vin, c'est du satin, de raisin, surtout client. Le vin que je vous vends, mon beau gelé, gelé, gelé. Mon beau gelé, gelé, gelé. Mon beau gelé, gelé, gelé dans ma cave. À la rigueur, je boirais du lait si de raisin se nourrissait. Toutes les vaches du beau gelais, si Lolo Brigitte me donnait la tétée. Troisième jeudi du onzième mois, un cœur dans mon calendrier. Jeff, lui, il en a mis trois, c'est l'événement de l'année. On s'en fout si c'est de l'arnaque, comme on n'a pas de volonté. Le vin en vrac nous mettra en vrac, le Beaujolais nouveau est arrivé. Il y a des carreaux sur les nappes, des verres qui ne tiennent pas sur leurs pieds. Ça sent bon la dernière étape, ça sent fort la ligne d'arrivée. Pendant qu'on coupe le saucisson, Jeff qui a failli tout faire valser, réclame un air d'accordéon. Le Beaujolais nouveau est arrivé. Comptoir, sortent les voilides. Garçon, à ballon s'il vous plaît. Patron, ma gourde est vide. Y a de l'instit et du plombier. Autour d'un jus de bananier, farci de vieux bonbons anglais. Yes.

KFAI is proud to present Flowers Now, a celebration of Black elders of the arts community at the Cedar Cultural Center on Saturday, December 7th. Flowers Now is a performance and an awards ceremony honoring the contributions of a generation who helped build the Black arts movement and have left a distinct impact on the artistic culture of cities in the Upper Midwest. The event will honor Donald and Faye Washington, Jean Ann Durrates, Babatunde Lee, Douglas R. Ewart, Janice Lane Ewart, Setu Jones, Carolyn Holbrook, Takumba Aiken, and Louis Alamayu. Hosted by Tish Jones, featuring performances by drummer Kevin Washington, flutist Nicole Mitchell, and poet Louis Alamayu. Tickets for Flowers Now can be found at the Cedar Cultural Center website. Visit thecedar.org for more details. And we are back on KFI. You're listening to Bonjour Minnesota with Fred, Adrien et Romain. And it is 8:49, and we're still talking and listening to songs about Beaujolais, exactly, and wine in general, and we just listened to three songs. Yes. Yep. What songs did we listen to? The first one was from Jean Constantin with Le Beaujolais, then La Rue Quétanou with Le Beaujolais, and Les Tire-Bouchons with Le Beaujolais version discothèque. Very nice. And it was pretty nice. So yeah, we'll remind you that the Beaujolais Nouveau is the wine, the celebration of harvest of the end of for the end of the year in the Beaujolais wine region, and it's coming out on the third Thursday of November, which is Thursday in 2 days. And it's this Thursday. Yeah, and so it's a prime wine. Go to the liquor store. Find yourself a bottle of Beaujolais Nouveau 2024. Yeah, it's a prime wine, so don't buy last year. No. Just get the new one. Exactly. Because it's going to be tasting a little bit different, and it doesn't age. It doesn't age well. Well, so. No. It's not made. Well, it's not that it doesn't age well. It doesn't age, period. Yeah. And it doesn't matter where, what wine house you buy it from, so don't worry about this. It's just as long as it says Beaujolais Nouveau, yeah, not the Beaujolais Village. 2024 on the sticker, you're good to go. All right. And we're going to keep listening to songs about it. So the next one coming up is Jean-Luc Doussal with Le Beaujolais Nouveau. Il faut qu'il se lave. Bah oui. Ah ouais. Et Doussal. Non, c'est avec un D. Ah, d'accord. Doussal. Ah, ok. Not Doussal. And Picole Réaction avec Le Beaujolais Nouveau. And Marie Renault with Le Beaujolais Nouveau. And it's a parody of a song from, I mean, the theme of the song is Cabrel. Oui, okay. But she's making funny lyrics. I like Marie Renault. Yeah. How dare she make fun of Francis Cabrel? She's make fun of a lot of people. Mm-hmm. He's a half god, you know? No, he's not. He's human like you and I. All right, with a funny accent too. Mm-hmm. On y va? Eh bien, c'est parti. Believe. Oh, il est beau, le Beaujolais, Jojo, est-ce qu'il vous plaît le Beaujolais, que mon eau verre vers le plafond, et respectons la tradition, on sait que tous les buveurs d'eau ne sont pas très bien dans leur peau, les bonnes sources se font très rares. Nous avons trouvé autre chose à boire. À qui les mots, le Beaujolais, est-ce qu'il vous plaît le Beaujolais, levons nos verres vers le plafond et respectons la tradition. Et quand la soirée se termine, nous avons toujours bonne mine, pas bien sûrement de notre façon, d'en boire avec modération. Est-ce qu'il est beau, le Beaujolais? Est-ce qu'il vous plaît, le Beaujolais? Ouvrons nos verres vers le plafond et respectons la tradition. Y paillons donc mes bons amis et dégustons jusqu'à la nuit ce doux sirop. Il est divin, soir avec tu sais. Est-ce qu'il est beau le Beaujolais? Est-ce qu'il vous plaît le Beaujolais? Le bon verre vers le plafond et respectons la tradition. Est-ce qu'il est beau le Beaujolais? Et moi, est-ce qu'il vous plaît le Beaujolais? Le monde ouvert vers le plafond et respectons la tradition. Le Beaujolais nouveau est arrivé. Ouais, attendez, attendez, il est reparti. C'est la nuit à côté du cumi, je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, tant qu'au fond de mon verre, il y a au moins deux doigts de cet élixir que j'aime à mourir. Il a gommé les chiffres des horloges du quartier. À la troisième bouteille, je savais plus où j'étais, mais on m'a dit de partir. Je croyais qu'il y avait un pont entre nous et le ciel, mais au lieu de m'envoler, je suis tombée dans une poubelle. Avant de vomir et de m'évanouir, j'ai failli mourir. J'aurais pu faire toutes les guerres pour un verre de chirouble. Aujourd'hui, j'aurais pu faire toutes les guerres pour un verre de brouilly et de Saint-Amour aussi. Je voulais vivre de mon mieux mon rêve d'opaline, mais je me suis réveillée dans une cellule qui pue et l'urine, ça m'a moins fait rire. On m'a dit, tu dois juste t'asseoir, tu ne dois pas parler. T'as encore 6 heures pour essayer de décuver, le brigadier va venir. Tu vas t'en souvenir et arrête de sourire. Et pour celle-là, moi je m'en fous, j'aurais pu faire toutes les guerres pour un verre de chénasse. Aujourd'hui j'aurais pu faire toutes les guerres pour un tonneau de fleuri. Et de Saint-Amour aussi, j'aurais pu faire toutes les guerres pour un verre de Juliennas. Aujourd'hui, j'aurais pu faire toutes les guerres pour un tonneau de brouilly. Et de Saint-Amour aussi, et maintenant que j'ai décuvé, je suis prête à recommencer. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis-Saint Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Comme toujours, vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant la musique ou à l'adresse bonjourminnesota@jubel.com. Et voilà, voilà, voilà. So what did we just listen to? Yeah, we listened to Jean-Luc Ledoussal. Il faudrait qu'il se lave. Ouais, non. Ça, ah non, c'est, on l'a déjà dit. Yeah, you did it already. With the Beaujolais Nouveau. Ça s'appelle le comique de répétition. Non, non, c'est pas drôle. Okay. Not that funny. Okay. And after that, he was Picole Réaction avec le Beaujolais Nouveau. Ouais. And just now was Marie Renault with le Beaujolais Nouveau, and it was a parody with like the song of Francis Cabrel. She was making fun of the Beaujolais Nouveau. Marie, she doesn't have time. She is, clock is ticking, man. Like, yeah. Mary's on it. That was like a 2 minute, but she started on YouTube. So she really needs to get people like she's hooked right away. She's one of those YouTubers, huh? Yeah, yeah, yeah. Especially during the during COVID. Yeah, yeah. What a beautiful song though, from Francis Cabrel. That's true. Song, Je l'aime à mourir. Mm-hmm. But she totally changed the lyrics to something funny. And, well, we're going to keep on going. We'll talk a little bit about the events. I mean, I guess we can talk about it right now. Mm-hmm. If that's coming up, because, like, right now, I have only one event out of the three that are coming up. I know one of the events. Yeah? Beaujolais Nouveau is coming out on Thursday, if you haven't heard yet. The third Thursday of November. That is true. But it's going to be celebrated. I mean, the French American Chamber of Commerce of Minnesota is celebrating on Friday at 6 p.m. Because at the Germanic Institute on Summit Avenue. It's not because it comes out on Thursday that you have to be like on Thursday first thing, you know? Yeah. Okay, we will be, but it depends where you live. That is true. But yeah, on Friday, they're going to do, at the Germanic American Institute, they're going to do a celebration of it. So feel free to go either on our Facebook page or their Facebook page. They have an event going. Mm-hmm. What time does it start? It's at 6 p.m. Okay. And the Germanic American Institute is on 301 Summit Avenue in Saint Paul, Minneapolis. Yeah, by the cathedral. It's by the Saint Paul Club. I think it's almost across from it. University Club and the James J. Hill Mansion. Yeah. Very nice area. I don't know if they have tickets left. So yeah, go online just like as Freddie said and see. And you can go on their website too. I mean, like the French American Chamber of Commerce of Minnesota. Mm-hmm. It's FACCMN.org. And on Sunday at 2:30, there's going to be a Futaie Fall Winter 2024 program. It's pretty much, I mean, there's still several Sundays. So if you like Asian culture, you can go to their website. It's www.afutaiedmaco.com. And they are going to present some things about Asian culture, mostly like dance and things like that. And music and drums. Yeah. That's pretty cool. And it's very fun for kids. Where is it? It's at the Futaillis studio in Golden Valley. Actually, no. No? Yeah, it's going to be held at CFPA. It's 3754 Pleasant Avenue in Minneapolis. And that started on the Sunday, October 20th, but they are going to do a lot of several Sundays. Okay, like that. That's an arts, that's a dance and music and arts center right across the street from where my daughter went to school for 3 years. Okay, well, that's good It's right in the Grand and 38th neighborhood in Minneapolis. Okay, so it's 3754 Pleasant Avenue, in case you don't know where Chloe went to school. Yeah, no, but that's that's at the intersection of 38th and Pleasant. Cool. And the last event I wanted to talk about, and it's still not coming up, is the movie theater with the Alliance Française. The Ciné Club. It's called Mon Légionnaire, and it's going to be this Friday at 6 p.m. Yep. So you can, if you want more information, you can go to afmsp.org. Is it on Friday? Yeah, this coming Friday. Ciné Vendredi. Yeah. Le Ciné du Vendredi soir. Used to host. Yeah. Ah, the good old days. The good old days. All right, so we're going to listen to three more songs. The first one we're going to listen to is from Messu, and it's Les Vendanges en Beaujolais. Then Serge Prisset with Tes Lèvres ont le goût du Beaujolais Nouveau. Eh ben. Yeah, your lips taste like Beaujolais Nouveau. Mm. So maybe she should quit drinking before kissing. Or, I don't know. Mm. Maybe he likes it, so anyway. And Luis Mariano with Vive le bon vin, le Beaujolais Nouveau. Hooray for the good wine. Eh ben, allez. On y va. Quel programme. On y va. Sincérité, les vendanges en Beaujolais. Ohé, les vendanges en Beaujolais. Ohé. L'ivresse de la chaleur, ou bien la chaleur de l'ivresse, le convivial de quelques gens que l'on retrouvera ici ou ailleurs. C'est un chant de la terre qui monte au ciel, puis ses chants du contrée vendange mille fois par des mains de passage éphémère. Ainsi va la vigne et le chant du Beaujolais. Le bruissement des serpettes pour le vin en devenir ambassadeur de la contrée, fraîcheur et sincérité, les vendanges en Beaujolais. Ohé, les vendanges en Beaujolais. Ohé. Une plante tortueuse qui monte vers la lumière que l'on retrouve une fois que l'on a bu quelques verres. Dans un petit coin de France avec quelques nouvelles têtes, porteuses de sourires fatigués et de bonne humeur. Ainsi va la vigne et le chant du Beaujolais, le bruissement des serpettes pour le vin en devenir ambassadeur de la contrée, fraîcheur et sincérité, vendanges en Beaujolais. Ohé, vendanges en Beaujolais. Ohé. Des jolies filles et de la bonne bouffe depuis le matin jusqu'au soir, des horizons différents qui s'ouvrent autour. Des anciens de vrais, puis leurs chansons grivoises, imprégnées du sang de la terre et des étoiles du Beaujolais. Et ainsi va la vigne et le chant du Beaujolais, le bruissement des serpettes pour le vin en devenir ambassadeur de la contrée, fraîcheur et sincérité, les vendanges en Beaujolais. Pas la prétention d'une amitié, mais celle de profiter ensemble, de se lâcher un peu la grappe dans la douleur ou dans la soif. Je résume sous ces quelques mots les intentions de ma petite chanson. En dangeant contre les Beaujolais, belle vie à tous cette nuit, merci sincère. Et ainsi va la vigne et le chant du Beaujolais, le bruissement serait le bruissement des serpettes pour le vin en devenir ambassadeur de la contrée. Fraîcheur et sincérité, les vendanges en Beaujolais. Et tes lèvres ont le goût du Beaujolais nouveau. Et tes lèvres ont le goût de l'amour qui coule à flot. Et tes lèvres ont le goût du Beaujolais nouveau. Et tes lèvres ont le goût du bon vin de la vie. Chaque verre de Beaujolais nouveau coule, coule le long de ta peau comme une rivière au reflet rouge qui chercherait son lit sur ton dos où je m'enivrerais comme il faut. Et tes lèvres ont le goût du Beaujolais nouveau. Et tes lèvres ont le goût de l'amour qui coule à flot. Et tes lèvres ont le goût du Beaujolais nouveau. Et tes lèvres ont le goût du bon vin de la vie. Cette année, ce sera un très bon cru, ça vous pouvez me croire. Chaque verre de Beaujolais nouveau coule, coule le long de ta peau comme le torrent dans la montagne qui descendrait jusqu'au bas du dos où je flotterais sur un radeau. Et tes lèvres ont le goût du Beaujolais nouveau. Et tes lèvres ont le goût de l'amour qui coule à flot. Et tes lèvres ont le goût du Beaujolais nouveau. Et tes lèvres ont le goût du bon vin de la vie. Et tes lèvres ont le goût du Beaujolais nouveau. Et tes lèvres ont le goût du bon vin. Le ciel penche dans mon verre, tout s'éclaire, tra-la-la-la. Tout s'éclaire dans ma tête, c'est la fête, tra-la-la-la. C'est la fête, tout m'enchante, mon cœur chante, tra-la-la-la. Si l'on est fou. Oh, rêverie. Ton épaule qui me frôle se fait tendre, tra-la-la-la. L'herbe tendre semble attendre qu'on s'attarde, tra-la-la-la. Le vieux garde nous regarde, l'air de rire, tra-la-la-la. Mais son rire semble dire, j'ai vu pire, tra-la-la-la. Oh! Le monde est merveilleux. Oh, vive le bonheur. C'est un vieux malheur. Quand viennent les beaux jours, qui fait chanter toujours l'amour. Hey, hey, hey, this is Dallas Goldtooth here, and you're listening to Fresh Air Community Radio at KFAI 90.3 FM, online at kfai.org. Keep listening, keep vibing, have a good time. Hoka! Hoka! Et voilà, voilà! We're back, and you're still indeed listening to Bonjour Minnesota on KFAI. It is 9:15, and tonight is a special Beaujolais Nouveau. Yeah, and when we're going to run out of song about Beaujolais, we're going to... songs about Burgundy. Or wine in general. We just listened to Messu with La Vendange en Beaujolais. Then Serge Prisset with Tes Lèvres ont le goût du Beaujolais Nouveau. Mm-hmm. And which we'll be able to sing that on Thursday night. And Luis Mariano with Vive le Bon Vin. So that was pretty nice. Luis Mariano was really famous. Oh, yeah. He was from Andalusia. Mm-hmm. We're going to listen to three more songs from people who are quite famous too. Well, Juliette, not as much, but... Oh, well... Yeah. Well, you know her. I mean, she's been around for a long time. Yeah, well, that doesn't mean much. No, I know. But, so but what we say in French, you know, that she's very confidentielle. So she has an audience, but she's not the type of singers that you will hear on mainstream radio stations. She's not going to do like the concert like, you know, Bercy or big stage. A little bit like, you know, Brigitte Fontaine. And I mean, they're well known, but they're not among the, you know, establishment. Yeah. You know, well, and most of their songs are also more... intellectual. Yes. So Juliette is going to sing about Petite Messe Solennelle, Little Mass, very official. And then we're going to listen to Tino Rossi with A le Petit Vin Blanc, which is a classic. I have liked the song by at least a lot of people, but I thought the Tino Rossi version was a good one. Yeah. And then Jojo National, Johnny Hallyday with Il faut boire à la source. You get a drink at the source, you know, and he's talking about wine, and it's from 1971. All right, on y va. C'est parti. Enfin, nous sommes là, entre nous tous les deux, seul à seul, tête à tête, et les yeux dans les yeux. J'avais tant à te dire, mais par où commencer? Deux verres, une bouteille, je crois que j'ai trouvé. Délie la langue, il entr'ouvre le cœur. Il donnera ce soir le ton et la couleur au jardin de la braise et cristal du désir. À notre nuit d'amour, buvons pour le plaisir. Qu'il soit de Blaye ou d'Echeronne, de Vaqueras ou de Tursan. Le vin réjouit le cœur de l'homme et de la femme, évidemment. Qu'il soit de Blaye ou de Chéron, le vin réjouit le cœur de l'homme. Né d'une âpre Syrah, d'un peu de Carignan, d'une terre solaire, des mains d'un paysan, c'est avec ce vin-là qu'on dit qu'Ulysse a mis le cyclope à genoux et Circé dans son lit. Un délie les sens, il entr'ouvre les draps. Et pourtant, sous sa coupe, je ne mentirai pas. Je bois, moi, pour le goût, mais aussi pour l'ivresse. Pour cette nuit d'amour, soyons donc sans sagesse. Et joue vermeil les yeux qui brillent, chavire et part de douze et moi. Le vin réjouit le cœur des filles et des garçons, ça va de soi. Et joue vermeil les yeux qui brillent, le vin réjouit le cœur des filles. Noé sur son raffio en prit quelques futailles aux noces de Cana. Au milieu des ripailles, c'est ce vin que Jésus fit d'une ordinaire. Et notons qu'il n'a pas eu l'idée du contraire. Le vin délie les âmes, il entr'ouvre le ciel. De sa petite messe, gourmande et solennelle, prions Saint-Émilion, Saint-Estèphe et les autres pour une nuit d'amour. Voilà de bons apôtres. De Kyrie en Te Deum, vin du cantique et sans divin. Le vin réjouit le cœur de l'homme, du Père, du Fils, de l'Esprit Saint. De Kyrie en Te Deum, le vin réjouit le cœur de comme l'amour, l'amour comme le vin, qu'il soit impérissable, qu'il soit sans lendemain, qu'il soit bourru, tranquille, acerbe ou élégant, je suis sûr qu'il ne faut pas mettre d'eau dedans. Oh, ne partageons pas ces amours qui s'entêtent, pas plus que ces vins-là qu'on boit pour l'étiquette. Tu es ce que tu es, je suis comme je suis, à notre vie d'amour, buvons jusqu'à la lie. Mettons-nous et voyons comme finit cette nuit attendue. Mettons-nous et voyons comme le vin réjouit le cœur de l'homme. Le vin réjouit le cœur de l'homme et puis le mien, bien entendu. Blanc, qu'on boit sous les tonnelles, quand les filles sont belles, du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence. Pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nous gens. Suivons le conseil, monsieur le soleil, connaissons l'affaire. Cueillons en chemin ce minois mutin, cette robe claire. Venez, belle fille, soyez bien gentille, là sous la charamille, l'amour nous attend. Ah, le petit vin blanc, qu'on voit sous les tonnelles, quand les filles sont belles, du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un verre de vieille romance semble donner la cadence. Pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles, quand les filles sont belles, du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence. Pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nous. pas très loin, ça ne te coûte rien. Il suffit d'oublier tes préjugés. Il faut boire à la source, boire à la source, boire à la source de la vie. Boire à la source, boire à la source, boire à la source de la vie. Déchire ton argent, déchire tes papiers, brûle tes vêtements et tes souliers. Ouvre grand tes bras et tu retrouveras le torrent de la vie qui coule en toi. Il faut boire à la source, boire à la source, boire à la source de la vie. Boire à la source, boire à la source, boire à la source de la vie. You're back on KFAI listening to Bonjour Minnesota with us tonight to celebrate the Beaujolais Nouveau 2024 coming out on Thursday. Exactly. And this is, there is Adrian and Romain. And Freddy. Yay! Voilà. So what did we listen to, Adrian? We listened to three songs. We listened to Juliette. The first song was Petite Messe Solennelle, Little Solemn Mass. And then it was the giant Tino Rossi, Ah, le petit vin blanc. Mm-hmm. It was not that giant. What does that remind you of? You know, you knew the lyrics. You're singing in the studio. What does that? When were you singing this song? When you were younger, a kid? Oh yeah, at 8 years old, I was watching the commercial about wine, and I learned the lyrics by heart. No, I'm just kidding. But no, I mean it's a very catchy tune. I mean it's the chorus is easy to remember. All right. Tino oui, aussi. Oui. Mm. Le petit vin blanc. And then the last one, Johnny Hallyday, with quite a gospel groove yeah. there that he was putting on. It was Il faut boire à la source. So you better drink right from the source. Voilà. Donc, we listened to those three songs. It's 9:28 and 29, it says here on the Rivendell, which must be legit, right? Yeah. Anything that's a computer based is probably more up to date than a clock. So this is nearly 9:30 here in Minneapolis. We're celebrating, preparing for the Beaujolais Nouveau. And if you need to call us, you can. I don't know if you know how to catch the call. You can call during the songs at 612-0980. Yep. Yeah. I think you forget 612. The three digits in the middle. 341, yeah. Because it's by heart. It's by heart, guys. Yeah. I think we've said this enough times to finally remember it. Yeah. And I wanted to so you guys were able to attend the concert of La Femme on Saturday night. Yes. With La Femme at the Fine Line. And that was, according to what I've heard, it was pretty cool. Yeah, that was fun. I mean, they are great. I mean, it's a great band, but they are especially great live. Yeah. And they are such energy and it was a sold out concert. It was cool. Yeah. Yeah, we saw some friends there, so it was really fun. They were two. I think we, at least after we arrived, there was two first parts. There was a first part with that Aussie lady that does what's Queenie. Her name? Sam Queedy. Yeah, she did great. And then there was Jake, right? The DJ. Oh yeah, DJ. Yeah, that was it was playing mostly French tunes from like the 80s, and that was cool. Yeah. In between the opening act and the main act. Voilà. Very nice. Yeah. And after it was a concert, a lot of energy to the point, to the tune of taking your shirt off and jumping in the crowd. What? That's what happened that night. Is that what you did? And what's great with a band dancing like La Femme is, so we're there at the Fine Line, the capacity is 650 people, knowing that when they're in France, they sell out the Accor Arena, which is, I mean, used to be called Bercy, right, with like, you know, 14,000 people. Yeah. Yeah. And so you get the same production, the same professionalism, but, you know, in a very small venue, which is awesome. Yeah. Mm-hmm. So it was the same with, you know, Jane and Stromae. And so that's one of the perks of being here. Yeah. We missed you, Fred. But next time. I couldn't make it, but I also made it like 2 years ago at a Turf Club. Yeah, so you had just returned. Was it that day that you returned? I think if not that day, it was the following day. Yeah, you like returned that. From Paris. So that way to do it. Yeah, just don't stop. Yeah. All right, we're going to listen to three more songs celebrating wine, and I'm really excited about this series. First, we'll have Mes Souliers Sont Rouges, Le Cycle du Vin, the wine cycle, but then the amazing, the beautiful Clara Luciani. Who was actually in La Femme. She started in La Femme. La Femme that we just saw on Saturday with Summer Wine. And then, then another huge giant, Georges Brassens with Le Vin. Voilà. Alors, on y va. C'est parti. La terre en vigne, la voilà la jolie vigne. La terre en vigne, la voilà la jolie vigne. Vigny, vignon, vignon, le vin. La jolie vigne au vin. Vigny, vignon, vignon, le vin. La jolie vigne au vin. La vigne en treille, la voilà la jolie treille. La vigne en treille, la voilà la jolie treille. Treillis, treillons, treillons, le vin. La jolie treille au vin. Treillis, treillons, treillons, le vin. La jolie treille au vin. La treille en seille, la voilà la jolie seille. La treille en seille, la voilà la jolie seille. Seillis, seillons, seillons le vin. La jolie seille au vin. Seillis, seillons, seillons le vin. La jolie seille au vin. La seille en huche, la voilà la jolie huche. La seille en huche, la voilà la jolie huche. Huchi, huchon, huchon le vin. La jolie huche au vin. Huchi, huchon, huchon le vin. La jolie huche au vin. La huche en cuve, la voilà la jolie cuve. La huche en cuve, la voilà la jolie cuve. Cuvi, cuvon, cuvon le vin. La jolie cuve au vin. Cuvi, cuvon, cuvon le vin. La jolie cuve au vin. La cuve en cruche, la voilà la jolie cruche. La cuve en cruche, la voilà la jolie cruche. Cruche, cruchon, cruchon le vin. La jolie cruche au vin. Cruche, cruchon, cruchon le vin. La jolie cruche au vin. La cruche en verre, le voilà le joli verre. La cruche en verre, le voilà le joli verre. Verre, verrons, verrons le vin. Le joli verre au vin. Verre, verrons. Du verre en bouche, la voilà la jolie bouche. Du verre en bouche, la voilà la jolie bouche. Bouchy, bouchon, bouchon le vin. La jolie bouche au vin. Bouchy, bouchon, bouchon le vin. La jolie bouche au vin. La bouche en ventre, le voilà le joli ventre. La bouche en ventre, le voilà le joli ventre. Ventri, ventron, ventrons le vin. Le joli ventre au vin. Ventri, ventron, ventrons le vin. Le joli ventre au vin. Du ventre en pisse, la voilà la jolie pisse. Du ventre en pisse, la voilà la jolie pisse. Pissi, pissons, pissons le vin. La jolie pisse au vin. Pissi, pissons, pissons le vin. La jolie pisse au vin. La pisse en terre, la voilà la jolie terre. La pisse en terre, la voilà la jolie terre. Terri, terron, terron le vin. La jolie terre au vin. Terri, terron, terron le vin. La jolie terre au vin. La terre en vignon, la voilà la jolie vigne. La terre en vignon, la voilà la jolie La jolie vigne au vin. Des fraises, des cerises, un baiser d'ange au printemps. Mon vin d'été a toutes ses saveurs en même temps. I walked in town on silver spurs that jingled too. The song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Summer wine. Des fraises, des cerises, un baiser d'ange au printemps. Mon vin d'été a toutes ses saveurs en même temps. Enlève tes époux, fais-moi tout oublier, et je te donnerai du vin d'été. And my lips, they could not speak. I tried to get up, but I could not find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Summer wine. Des cerises, un baiser d'ange au printemps. Mon vin d'été a toutes ses saveurs en même temps. Enlève tes époux, fais-moi tout oublier, et je te donnerai du vin d'été. Shining in my eyes, my silver spurs were gone, my head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Summer wine. Des cerises, un baiser d'ange au printemps. Mon vin d'été a tous ses saveurs en même temps. Enlève tes éperons, fais-moi tout oublier, et je te donnerai du vin d'été. Avant de chanter ma vie, de faire des harangues dans ma gueule de bois, j'ai tourné cette fois ma langue. Je suis issu de gens qui n'étaient pas du genre ressobre. On compte que j'eus la tétée au jus d'octobre. mes parents ont dû me trouver au pied d'une souche. Et non dans un chou, comme ces gens plus ou moins louches. En guise de sang, aux noblesses sans pareille, il coule en mon cœur la chaude liqueur de la treille. Quand on est un sage et qu'on a du savoir boire, on se garde à vue en cas de soif une poire. Une poire ou deux, mais en forme de bonbon. Au ventre replet, rempli du bon lait de l'automne. Jadis aux enfers, certes il a souffert tant à le. Quand l'eau refusa d'arroser ses amygdales. Être assoiffé d'eau, c'est triste mais faux bien dire que l'être de vin, c'est encore 20 fois pire. Hélas, il ne pleut jamais du gros bleu qui tâche. Qu'elle donne du vin, j'irai traire enfin les vaches. Que vienne le temps du vin coulant dans la Seine. Les gens par milliers courront y noyer leur peine. And we are back. Voilà, voilà. Well, we're back. It's 9:41 on Bonjour Minnesota on KFI Radio. 9:42. Yeah, another like, you know. Yeah, almost, you know. 15 minutes. Yeah. A bit more than 15 minutes. Well, yeah, well, 18, actually. With more songs, yeah. In French. Yeah. Yeah. So we could play their one 18-minute long song, we but could, I don't know but if we won't. No, and I don't think we have one. So no. So oh, what, yeah, I have some. Oh, yeah, yeah, well, I know, yeah. But you have everything. What did we listen to? Don't look to. At me. Well. Three songs. We listened to Mes souliers sont rouges, Le cycle du vin, and then it was Clara Luciani with Summer Wine, and Georges Brassens with Le Vin. Un classique. Mm-hmm. Un classique, voilà. Donc, we have more songs for you. We'll play first a little card here, mm-hmm. from KFAI, and then we'll go with three more songs that are easy. It's the same title for each song. Just remember it. Le Vin. The Wine. Oh, oh, quelle surprise. But different artists. We'll listen to Kid Vinyl, Pierre Perret, mm-hmm. et Horloge Simard. Ooh. Right. And mm-hmm. I wanted to remind our listeners that all the shows are recorded. Yes. Not pre-recorded. They are recorded and archived. So if last week you missed the show with Valérie Jardin talking about photography and... you know, about her interview and things like that, and the songs are about photo, you can always go to kfai.org and look for the program, Bonjour Minnesota, and you can listen to last week. Voilà. Thank you, Freddie, for this great reminder. And with that, we'll go to Rivendell. Eh bien, c'est programming on KFAI is supported in part by the Minnesota Department of Veterans Affairs, serving Minnesota veterans and their families. MDVA wants to remind Minnesotans that November is National Veterans and Military Families Month. Be sure to thank a veteran for their service, commitment, and the sacrifices they've made to protect our country. Dans sa largesse, un trou sous le nez pour baiser nos maîtresses, pour compléter son souhait divin. Il voulut qu'on y verse de temps en temps un verre de vin. Je cherche une fillette en vain qui m'aime autant que j'aime le vin, qui boira mon Bourgogne et mon Bordeaux, mon Saint-Julien, et leur violente sève coulera le feu dans nos reins. Claque ta langue, fille de Bacchus, contre la mienne et gloire à Vénus, tandis qu'elle goûte à Mont-Latour, au Chambertin, au Saint-Amour, sous sa robe vermeille. Elle m'offrira le fin bouquet de sa divine treille, au parfum d'ambre et de muguet. J'écouterai le doux babil qu'engendre le mouton Rothschild, et ses fraîches papilles cajoleront le grand Pétrus qui fait jouer aux filles l'amour sur un Stradivarius. Claque ta langue, fille de Bacchus, contre la mienne et gloire à Vénus. Elle saura se méfier de l'eau, le nez dans le clos de Vougeot, où fleurant la vanille, dans le gracieux château Giscourt, j'aimerais qu'elle s'habille de ce parfum pour nos amours, sortant mes lettres de cachet avec le noble Montrachet. La belle peut me rendre et en caresse et en béco, en accolement tendre, 100 fois le prix de son écho. Claque ta langue, fille de Bacchus, contre la mienne et gloire à Vénus. Qu'un jour nos académiciens boivent quelques gouttes de vin, ils auront le courage de définir ce mot abscond qui est tout à leur image. Il rime avec le frais Macon. Si le bon Dieu nous a donné dans sa largesse un trou sous le nez pour baiser nos maîtresses, pour compléter son souhait divin, il voulut qu'on y verse de temps en temps un verre de vin. Claque ta langue, fille de Bacchus, contre la mienne et gloire à Vénus. Le vin rend l'élève bleu, il ne rend pas meilleur, il rend un peu enjôleur, il ne rend pas serein, il te fait pleurer pour un rien. Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, le vin rend les lèvres bleues. des Noëls. Ils mettent la tête un peu de travers. Il ne rend pas plus beau. Ça dépend qui prend la photo. Oh, oh, oh, oh. Si la couleur du vin. Savoir que tout homme t'a dévié du métronome. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, le vin. Pam, pam, pam, le vin rend les lèvres bleues. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, rend la parole fumeuse. Te laisse des cernes sous les veilleuses. Il ne rend pas plus. Il te met en mode crescendo. Oh, et si Dionysos aimait bien prendre une bonne brosse, il en va de même pour l'ivrogne. Dansez-vous si la soif y prend. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, le vin. Pam, pam, pam, le vin. We're back. Hey, voilà, voilà. Bonjour, Minnesota. I have seven bonsoir. Minutes left. 7 minutes left, so it's bonsoir, Minnesota, now. Mm-hmm. We just listened to three songs, guys. You know the titles. Le vin. Voilà. Le vin. Kid Vinyl, then it was Pierre Perret, and then Horloge Timard, but I love the title of this album. Le vin. Buvez toujours. Ah, okay. Buvez toujours. Buvez toujours. Ne mourrez jamais. Drink always. Never die. All right. And you could tell they're from Quebec. Ah oui, oui. À la fin, ça part un peu en live. Hein. Ça part un peu en cacahuète à la fin. Hey, chum. So we have three more songs for you. It is, let's see, on my good clock, it's 9:55. And we have three more songs. We have Le Lendemain de Veille, Une Bonne Bouteille de Vin. And then Les Ouilles et la Vendange et Sébastien Perrin, La Bourrée des Vendanges. Ooh. Ooh. Oula, oula. Voilà. Tout un programme. Yeah. Tout un programme. All right. Ben, Dieu. Should we say goodbye? On devrait. Oui, we have about 5 minutes left. So, bonne soirée, bonne nuit. Yeah. Happy Beaujolais Nouveau. Voilà. Thank you. Yeah. Celebrate. And we'll be live from Studio 4 next week on Tuesday. Indeed, and stay tuned for Balkan Jamboree starting at 10. Take care of yourself. Au revoir. Take care of your loved ones. Be well.